C'est l'histoire d'une femme qui s'est tant fâchée que l'embourri y a séché. Dessous la gerbe de blé, venez voir que j'ai trouvé. J'ai trouvé un garçon, le plus beau des garçons. Oh, venez voir, mesdames, qu'est-ce que j'ai trouvé. Oh, venez voir, mesdames, qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé.